Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour l'enregistrement de ce podcast 2030 Glorieuse. Le podcast 2030 Glorieuse, c'est le podcast qui met en avant les signaux faibles du monde de demain. Il existe depuis 4 saisons maintenant et jamais je n'avais enregistré de podcast en 2030 Glorieuse en live. Et là, cette année, c'est la 4e saison, le podcast est bien installé et assez reconnu. Et je me suis dit que c'était grand temps d'aller rencontrer des gens qui écoutent le podcast, de donner l'occasion à d'autres personnes de découvrir ce format utopiste qui, je le sais maintenant, parce que j'ai reçu suffisamment de retours pour le clamer haut et fort, fait du bien, met en mouvement. Il y a pas mal de personnes qui s'est vraiment dit avoir bifurqué suite à l'écoute du podcast, avoir osé sauter le pas et se mettre à contribution des nouvelles abondances des mondes de demain. On a un podcast un peu particulier ce soir, puisqu'on va avoir un premier temps avec Victor qui va faire tout le travail que je fais très mal au début des épisodes, si vous les avez déjà écoutés, où je raconte pourquoi la Nef est le partenaire du podcast. Victor, il est banquier itinérant, Victor Grange, il est banquier itinérant pour la Nef. Il nous racontera pourquoi la Nef, c'est la banque des 2030 Glorieuses et quelle fierté cette banque a s'associer au podcast 2030 Glorieuses. Et ensuite, on aura notre team des inspiratrices lyonnaises, Joanne, Marie, Clémentine, qui, elles, sont déjà intervenues dans le podcast 2030 Glorieuses. Déjà, il y a 2-3 ans, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire, ou peut-être même dans la première saison, Marie, t'as raison. Donc on reviendra ensemble sur comment elles ont porté plus haut leurs utopies, la réalité de leur sujet, et de voir si on se dirige ou pas, oula, j'ai pas d'avoir cette réponse, moi, vers les 2030 glorieuses. Voilà, ça c'est dit. La première question que je te pose, du coup, Victor, c'est la question que je vais poser, une question un peu signature du podcast. Imagine que tu es dans un endroit où tu ne connais personne, ou en tout cas, il y a des inconnus, et arrive cette question fatidique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Tu te présentes comment? Alors aujourd'hui, moi, je me présente comme banquier itinérant. Donc, banquier itinérant, nous, notre travail, c'est d'aller aller chercher les entreprises qui vont avoir un rôle de changement de société. Donc, dans l'idée, à la Nef, on finance des projets dans les domaines sociaux, culturels et environnementaux. L'idée étant que les personnes qui vont être financées amènent un petit changement de société et contribuent à une société meilleure qui irait vers des 2030 glorieuses vraiment différentes. Une société meilleure, c'est une société, et c'est ça qui nous correspond, qui nous ressemble, c'est une société qui est à la fois sur les enjeux écologiques, mais aussi à la fois sur les enjeux sociaux et culturels, et c'est les trois thématiques que vous portez avec la Nef. Exactement. L'idée, c'est financer des projets qui vont avoir toujours un impact social, culturel ou environnemental. Environnemental, c'est principalement la bio, les énergies renouvelables et un certain nombre d'autres activités qui peuvent être assez diverses. Sur l'aspect social, c'est la création d'emplois, la création d'entreprises, de l'insertion, ce genre de choses. Et sur le culturel, on a vraiment de tout, des pédagogies alternatives, des artisans, des associations culturelles, voilà, un peu de tout. L'idée, c'est d'avoir toute la gamme, on va dire, d'entreprises qui vont avoir du sens et un impact dans la société qui puissent être financés. Une banque, en général, quand on dit le mot banque en France, on a tout de suite l'image d'une grosse structure. En plus, quand on est sensibilisé aux questions écologiques, on imagine aussi les financements parce qu'on entend de plus en plus parler de ICOP et du gaz de schiste et tout un tas de projets controversés qui sont soutenus à hauteur de milliards et de milliards. La NEF, on l'a dit, pour moi, c'est vraiment la banque des 2 000 000 000 russes sur le fond, mais aussi sur la forme. Alors, en général, en ce moment, je mets beaucoup en avant la transparence, le fait que la NEF, ce soit la seule banque qui publie l'intégralité des projets qui sont financés. Il y a aussi le fait que ce soit une coopérative. Est-ce qu'il y a pour toi une valeur phare qui te semble être tellement importante qu'il faut le dire ce soir, parce que ça fait de la NEF une banque vraiment pas comme les autres, et c'est pas du bullshit, c'est pas du greenwashing, ça mérite d'être dit, parce que toi, c'est vraiment une valeur que tu as envie de voir se déployer en 2030 glorieuse. Je dirais que la valeur qui caractérise le plus la NEF, effectivement, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui déposent leur épargne à la NEF peuvent savoir où va leur argent, comment il est utilisé. Tous les ans, on publie l'intégralité des projets qui ont été financés avec l'argent des épargnants. L'idée étant que chaque personne qui a épargné puisse voir les projets qui ont été financés et, dans notre idée, aille consommer chez les personnes qui ont bénéficié des crédits de façon à créer une sorte de cercle vertueux. Mon argent, je le dépose à l'ANF sous forme d'épargne et il va financer des projets qui vont permettre dans mon habitat, dans mon quartier, dans ma vie de tous les jours, de proposer du pain bio, de l'épicerie bio, des magasins ou des artisans qui vont répondre à des critères qui leur correspondent et qu'ils ont envie de le soutenir. Est-ce qu'on peut terminer, Victor, sur ces 2030 glorieuses comme une fierté, notamment chez vous, à la NEF? Toi qui es un banquier itinérant, toi qui vois les projets à Lyon, est-ce que tu trouves que ces 2030 glorieuses, elles sont particulièrement représentées à Lyon et que, en fait, elles sont déjà tout autour de nous? Toi, comment tu les regardes, ces 2030 glorieuses? Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui te parle et qui te semble représentatif de ce que tu as envie de voir se développer en 2030 glorieuses? Sur Lyon, effectivement, on a une grosse activité puisque le siège de la NEF est à Vaux-en-Velin. Et depuis Vaux-en-Velin, on finance toute la région de l'Inde, et particulièrement à Lyon. Donc on a une trentaine de dossiers qui sont faits annuellement sur Lyon. Et effectivement, parmi tous les dossiers... La question est hyper dure. Voilà. C'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup un dossier que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle le Grand Plateau, qui se trouve à Villeurbanne, juste en face du siège de la NEF, qui rassemble en fait dans un local de la métropole de Lyon énormément d'acteurs qui sont autour du vélo et autour de des mobilités douces. Et pour moi, il est assez emblématique de ce que l'on souhaite financer, c'est-à-dire rassembler des personnes qui pensent et qui ont un peu les mêmes objectifs autour d'un projet et pour qu'ils puissent s'entraider, cohabiter, travailler ensemble et créer des nouvelles idées pour demain. Et donc, c'est un peu le projet que je mettrai en avant aujourd'hui, puisqu'il est un peu original, il est très original, et surtout, j'ai un grand espoir que ce projet va créer les vélos de demain et va créer la mobilité dont on a besoin pour changer un peu notre atmosphère urbaine. Merci, Victor Martin. Merci à toi. Merci. Au moment de faire ce travail, de sélectionner les personnes, de leur dire, tiens, vous avez participé au voyage en 2030 glorieuse, au podcast en 2030 glorieuse, est-ce que vous êtes intéressé à l'idée de vivre cet enregistrement en direct? Je me suis rendu compte à quel point j'avais interviewé de nombreuses porteurs et porteuses de projets à Lyon. Alors, en vivant à Lyon, c'est peut-être assez logique, et à la fois j'ai cette conviction que nous on vit dans une atmosphère, dans une ville, dans une entité territoriale qui est particulièrement en mouvement pour plein de raisons. Et donc j'ai été hyper fier de voir toutes ces personnes qui représentent, selon moi, les 2030 glorieuses. Et c'était d'autant plus évident d'arriver à les colorer au féminin, ces 2030 glorieuses, parce que je pense qu'on a cet effort plus que nécessaire de montrer à quel point le féminin il va avoir une place prépondérante en 2030 glorieuses. Je suis très heureux d'être entouré par Marc, Clémentine et Johan. Je vous avais déjà posé la question, et si je vous la repose, je vais commencer par toi, Johan, et que tu es à nouveau dans un endroit où tu es face à des inconnus et qui te posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'on peut jouer à répondre à cette question en 2 minutes chacune, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Loïc Machon. Je suis directrice fondatrice de l'association Mineca. Et Mineca a pour but de démocratiser le réemploi dans la construction. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On collecte des matériaux et des produits qui sont destinés à être jetés sur des... Voilà, la porteuse de projet. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ça tout de suite? Tu parles de Dominique? Bah, oui, parce que c'est moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'ai monté. Et donc, je suis architecte de formation, c'est ça la question. Mais aujourd'hui, je déploie, je porte le projet Dominique. Et donc, je t'ai interrompu, tu disais qu'avec Dominique, vous faisiez. On développe la filière du réemploi dans la construction sur la métropole lyonnaise et on porte aussi des rôles nationaux. J'en parlerai peut-être plus tard, mais on a créé un syndicat des acteurs du réemploi. À l'époque, effectivement, vous étiez dans la validation, l'expérimentation, même la preuve, le changement d'échelle au moins, au niveau du territoire, de ce qui se faisait avec Mineca, qui était vraiment en train de se consolider. Je me rappelle que tu me parlais du fait que tu étais en train de développer aussi un accompagnement dès l'amont avec les parties prenantes, parce que à l'époque c'était déjà le cas, et j'imagine, et on en reparlera après, que le BTP est toujours le secteur le plus émetteur de déchets en France, et qu'il y a un vrai enjeu à revaloriser tout ce que pour l'instant on constate être simplement des déchets. À l'époque, il me semble que je t'avais intitulé valoriste dans le BTP, parce que j'essaie toujours de mettre cette case métier. Est-ce que ça t'allait? Est-ce que ça ne t'allait pas? Est-ce que ça tirait toujours de dire que tu es valoriste dans le BTP, même si ce n'était pas la mission en tant que telle qu'on imagine dans l'entrepôt? Ça me convient. Après, en réécoutant le podcast, aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est devenu expert en caractérisation des produits et des matériaux de réemploi. Et ce lieu dans lequel on est aujourd'hui, et où j'ai compris il y a très peu de temps que l'événement avait lieu ici, en fait, il y a 4 ans, tout juste, on a fait un diagnostic des matériaux et des produits de la réhabilitation de ce lieu, en fait, de l'ancien collège Truffaut, et donc ces espaliers qui sont ici étaient déjà là avant, parce que là, en fait, on se trouve dans l'ancienne gymnase du collège Truffaut, qui est maintenant devenu un hôtel. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, on est au Pilot Hôtel de Lyon, à la montée des Carmélites, dans le premier arrondissement. Un hôtel qui a ouvert il y a une petite année. Je reviendrai vers toi tout à l'heure, Joanne, pour continuer à creuser cette question des utopies glorieuses et comment on arrive à se projeter dans ces utopies et comment tu utilises aussi ce pouvoir de conscience ou pas des utopies, ça m'intéresse. Clémentine, tu disais aussi avoir fait la bonne élève et je vous avoue que je ne l'avais pas demandé, donc c'était vraiment en bonus. Mais toi aussi, tu as réécouté l'épisode qu'on a enregistré il y a 2-3 ans déjà. À l'époque, on avait insisté vraiment sur ta casquette d'organisatrice d'événements durables. Est-ce que tu continues à te présenter comme ça? Comment tu réponds, toi, à la question de « et tu fais quoi dans la vie ?» Bonne question. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, déjà. Alors, oui, mais pas que. Donc, je suis Clémentine Mossé et je suis directrice et fondatrice, comme Joanne, mais de l'association The Greener Road, que j'ai cofondée en 2016 à Lyon. Alors, je suis bien d'autre chose que directrice de cette association, mais du coup, si j'en reviens à ta question et au podcast qu'on avait enregistré, effectivement, parmi les activités de l'association, il y a l'organisation d'événements, tout un tas d'événements, et je pourrais y revenir. Mais je vais revenir déjà à l'origine de l'association et pourquoi on existe. Donc, The Greener Good a pour objectif, en fait, de sensibiliser le maximum de personnes aux enjeux écologiques et à comment on peut agir dans notre quotidien pour adopter un mode de vie qui soit soutenable et qui soit compatible avec les enjeux écologiques actuels en termes de climat, de biodiversité, de pollution, de ressources, d'éthique et de respect aussi des personnes qui fabriquent nos produits, par exemple. Donc c'est vraiment ça, en fait, qui nous anime de base. Et pourquoi on a créé l'association aussi initialement? Eh bien, c'est pour fédérer les personnes, parce que moi, je suis convaincue que le lien entre les personnes est fondamental, d'où l'importance aussi des événements comme ce soir, où on se réunit aussi parce qu'on est porté par un sujet, parce qu'on a envie d'avancer sur ces sujets-là de transition écologique et solidaire. Donc ça part vraiment de là. Donc parmi les actions, on organise des événements qui fédèrent, qui inspirent, mais on a aussi développé tout un tas d'autres actions, de mise en lumière des initiatives lyonnaises pour consommer moins et mieux. Donc on a sorti un guide, on a des jeux, on a plein d'animations. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Effectivement, à l'époque, je t'avais donné la parole. L'association, elle prêterait énormément de son temps, de son énergie, de ses ressources à l'organisation du Greener Festival, ce qui est toujours le cas. C'est en octobre à Lyon. Premier week-end d'octobre. Toujours. Et c'est, ça fait partie des 2-3 festivals maintenant hyper connus, identifiés à Lyon. Et en plus, c'est bien et c'est beau et c'est vraiment bien fait, on en reparlera. Et en plus, vous avez développé aujourd'hui tout un tas d'autres moyens d'accrocher les gens, mais aussi, je trouve, de les mettre en valeur, de les accompagner sur leur transformation. Et donc ça aussi, c'est quelque chose des évolutions que vous connaissez avec Greener Good. Marine, tu es la dernière à te présenter. Je t'ai vu sourire aussi, parce que tu as vu que Clémentine aussi a déroulé son 1. On a le pitch qui est parfait. On appuie sur un bouton 30 secondes, 3 minutes, il y a tout qui roule. Est-ce que toi aussi, à l'époque, je t'avais présenté comme une lobbyiste politique. Comment tu présentes maintenant face à un ou une inconnue? Déjà, bonsoir. moi, j'avais bien aimé à l'époque ce mot-là. Je le trouve un peu trop galanté, entre guillemets, pour le rôle que j'ai. Mais effectivement, le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est un rôle d'influence vers une mode plus responsable. Dans le secteur de l'industrie textile. Et je trouve que ça représente plutôt pas mal ce que je fais aujourd'hui. À l'époque du podcast, c'est représenté pour 10% de mon temps. Aujourd'hui, ça représente peut-être 70% de mon temps. Donc c'est beaucoup plus. Et je pense qu'on y reviendra. Mais effectivement, mon rôle au quotidien, c'est de faire que la mode responsable s'impose comme une norme pour demain. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment eu envie d'insister sur ta capacité à prendre la parole, à participer à la mise en récit aussi des alternatives au fast fashion qu'on connaît, à la fast fashion qu'on connaît, et ton envie de temps en temps de dire stop sur des pratiques qui sont insoutenables et pourtant admises comme normales, ouais. Et même encouragées et valorisées sur les réseaux sociaux notamment. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais de plus en plus. Vous, avec Good Respect, qui est cette boutique de mode éthique que vous connaissez sans doute dans le premier arrondissement, mais qui est beaucoup plus que ça, puisque c'est peut-être, on peut dire, le site internet qui est vraiment identifié sur la mode éthique en France. Ouais. Tu as contribué à faire en sorte qu'il y ait une association de tout un tas d'entreprises engagées sur ces mêmes valeurs. Vous essayez de porter plus la parole, de faire corps. C'est un peu l'évolution que tu as connue ces dernières années. Du coup, Julien parle d'un... On a créé, avec d'autres entreprises, on n'est pas l'initiative, on a rejoint un groupement d'influence qui s'appelle En Mode Climat pour porter justement ce plaidoyer et faire bouger les lois. Dernièrement, c'est des choses qui nous impactent beaucoup. Jeudi, on discutait une loi contre la fast fashion, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais qui est une proposition qu'on a fait avec En Mode Climat il y a 2 ans. Donc, qui part de petites entreprises comme nous, qui sommes aujourd'hui ridicules comparées aux entreprises de la fast fashion. Mais ouais, comme... Donne des chiffres, parce que c'est vraiment saisissant et qu'on s'en rend compte. Vous devez c'est 3 millions de chiffres d'affaires. 3 millions de chiffres d'affaires. Zara, je sais pas, je sais même pas. On disait Cézanne. Cézanne, ils sont 250 millions de chiffre d'affaires, ouais. Et encore, c'est tout petit face à... C'est tout petit face à Chine, qui fait plusieurs milliards, je crois. Pourtant, du coup, vous, les petits poussets, parce qu'on peut vraiment vous appeler comme ça, vous avez réussi, en fait, à mobiliser l'opinion publique, à faire en sorte qu'on travaille En Mode Climat. Ouais. On fait partie d'un ensemble, et notre rôle, ça a été d'abord de sensibiliser le consommateur, de proposer une alternative, et quand on a compris qu'il fallait qu'on aille plus loin aussi, et qu'il fallait qu'on se batte aussi sur l'application de nouvelles lois et la proposition de nouvelles lois, on a rejoint ces groupes d'influence, et on a participé à être acteur dans ces groupes d'influence, pour aller plus loin sur la réglementation. Et je trouve que vous servez aussi de lanceur d'alerte, mais aussi de révélateur de l'engagement réel ou pas de nos dirigeantes et dirigeants, parce qu'effectivement, cette loi, elle devait être discutée, et là, on voit que le gouvernement, il est déjà en train de rétro-pédaler, et vous êtes tout de suite là à dire, attention, il y a ça qui est en train de se passer, alors qu'on n'en parle pas. Vous êtes aussi un peu des vigilantes, je ne sais pas comment le dire, En tout cas, dans les deux rôles de Good Respect, qui sont vraiment, l'un et l'autre sont à 50%, l'un et l'autre, enfin, non pas l'un sans l'autre, c'est proposer une alternative de consommation, parce que quand on est face à ces constats-là, on a envie de bouger, on a envie d'agir. Quand on n'a pas les solutions, on reste un peu là sur notre faim, on ne sait pas quoi faire. Donc, notre premier rôle, ça a été de proposer ces alternatives, et le deuxième, ça a été vraiment tout le volet pédagogique. Et en fait, dans le volet pédagogique et sensibilisation, on considère aussi que onboarder, entre guillemets, le citoyen sur les propositions de loi et le pousser à... du coup, demain, on appelle chaque citoyen à taguer ses députés sur, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'il y a dans cette loi et qu'il aille plus loin sur notre, enfin, une proposition qui va plus loin. Ça permet à chaque citoyen de poser aussi ces questions-là et d'avoir du coup ce rôle aussi d'influence en tant que citoyen et de plus se reposer derrière juste des lobbies et des pouvoirs un peu obscurs dont on ne sait pas qui sont réellement. Ouais, tu parles d'empuissantement citoyen et donc c'est pas simplement lancer des alertes ou proposer des alternatives, mais faire en sorte que les citoyennes et les citoyennes se sentent vraiment investis de transformer un secteur. Et justement, ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout à l'heure en introduction, Clémentine. On aurait pu se dire, bah, en fait, The Green of Wood, c'est les spécialistes de ce bel événement qui se fait une fois à Lyon. On est content, on se réunit, on fait nos achats pour Noël, et puis on se revoit en octobre prochain. Ciao tout le monde. Je simplifie un peu, on est d'accord. Et en fait, vous êtes rendu compte que justement, il fallait aussi créer des occasions, accompagner, outiller, empuissanter. Et vous êtes un peu sur cette même dynamique de faire en sorte que les citoyennes et les citoyens, ça ne soit pas simplement des utilisateurs, des utilisatrices finaux de votre démarche, mais au contraire, qu'ils soient des relais, qu'ils soient des porte-voix, qui permettent de faire que vous ayez encore plus d'impact. Oui, exactement. Alors, nous, l'idée, c'est pas de faire des consommateurs verts. Hein. C'est vraiment d'accompagner les citoyens dans la démarche. Et ce qu'on voit après presque 8 ans de développement de nos actions, c'est qu'en fait, déjà, l'association, elle a un impact sur ses bénévoles, sur toutes les personnes qui sont dans la structure. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés dans la structure. Je pense qu'il y a peut-être plus de 200 personnes qui ont été bénévoles un jour ou l'autre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des gens qui commencent justement par le premier pas d'agir dans leur quotidien, voilà, de faire des actions, de consommer de manière plus raisonnée la mode, de réduire leurs déchets, etc. Et en fait, parfois, l'étape suivante, ça va être de s'engager en politique. Donc il y a des gens comme ça qui sont engagés en politique. Ça va être d'aller voter alors qu'avant ils n'allaient pas voter. Ça va être de s'engager dans d'autres projets de manière beaucoup plus proactive. Donc voilà, on voit que c'est déjà un premier pas pour les personnes, soit dans notre structure, soit pour les participants à tous nos événements. Donc voilà, donc effectivement, on est de plus en plus persuadés du rôle qu'on a à jouer à ce niveau-là. Et aussi, ce dont je me rends compte avec les années, c'est que l'association, c'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas seulement les événements, les ouvrages, les animations, etc. Mais c'est aussi la manière dont on transforme le monde du travail. On essaie justement de mettre en place des organisations plus flexibles, des temps de travail plus adaptés, des conditions de travail adaptées aux femmes aussi, dans l'équipe, on ne trouve pas des règles douloureuses, des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment aussi un espace d'expérimentation pour se dire ben, qu'est-ce que nous, en tant que structure, on veut être aussi et comment on voit le travail, qui à la base n'est pas notre cœur de métier, mais comment on peut aussi réinventer d'autres aspects en fait, dans la société. Plus que un institut de sensibilisation, vous êtes devenu en réalité une sorte d'incubateur d'expérimentation, d'exemplarité aussi sur ces enjeux, avec pas mal de manières d'accompagner les personnes, les structures et les événements qui le souhaitent, à aussi inclure plus de co-responsabilité, de bonnes pratiques, de suivre votre exemple. Vous avez décidé de ne pas jouer simplement la pureté militante, mais aussi de montrer que vous pouviez accompagner. On viendra à Joanne tout à l'heure qui disait que finalement, elle se rendait compte que ce qui avait sans doute plus de valeur, et je te dis un peu ce que j'ai cru comprendre de ce que tu me disais, c'était votre savoir, votre expertise plutôt que votre lieu physique. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, en fait. C'est tout ce réseau, c'est toute la valeur qui est créée au quotidien. Oui, c'est ça. Et je le disais tout à l'heure, hein, ce qui fait vraiment la richesse, je trouve, du projet, et là, au titre personnel aussi, je trouve que c'est hyper épanouissant et très très enrichissant, c'est le fait de côtoyer quasiment tous les jours plein de porteurs de projets, plein d'initiatives qui vont dans le bon sens, et je pense que dans le monde actuel où on n'a pas forcément toujours des bonnes nouvelles qui nous arrivent dans nos oreilles par les médias, les réseaux sociaux ou autres, être entouré de personnes proactives, inspirantes, c'est hyper enrichissant et voilà, c'est ça aussi qui est important pour moi et qui me semble aussi important dans nos actions, encore une fois, hein, d'inspirer et de mettre en avant le positif. Ouais, c'est trop bien, on est bien entouré ce soir et en plus c'est des personnes et des structures qui se connaissent, qui s'entraident et qui se rencontrent, c'est ça aussi le plaisir d'être à Lyon avec un microcosme de l'engagement qui fait qu'on se sent un peu comme à la maison, et c'est ce qu'on disait à l'arrivant tout à l'heure avant qu'on lance le podcast. Joanne, tu me disais, vous aviez ce lieu où collectiez du matériel. Il y a plein de gens, et encore, il n'y a pas longtemps qui me disaient, mais tu sais que moi, une partie de mes travaux, je les ai fait grâce à Vineka. Et tu me dis qu'en fait, ça, c'est juste la partie quoi, visible de l'iceberg. Vous faites beaucoup plus maintenant, tu peux me raconter ça? En fait, au fil des années, à la base, Vineka, ça se voulait comme une recyclerie. L'idée de base, c'était de faire une recyclerie du BTP pour pouvoir donner un lieu où se fournir à nos concitoyens et à nos confrères et consoeurs des acteurs de la construction. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, en fait, on a capitalisé de l'expérience et on a été sollicité pour faire du conseil pour accompagner en fait ceux qui font construire et ceux qui construisent dans les maîtrises d'ouvrage. Donc par exemple, Pilo Hôtel est une maîtrise d'ouvrage et l'architecte est le maître d'œuvre. Et donc en fait, on a été beaucoup sollicités de par nos casquettes d'architectes, puisque les fondateurs sont architectes, à accompagner tout ce petit monde à intégrer des démarches de réemploi dans leurs opérations. Et ça passe par tout d'abord l'identification sur des bâtiments qui vont être déconstruits, l'identification de tous les matériaux, de tous les éléments qui pourront resservir et de faire des préconisations de dépose, de stockage, de conditionnement, parce qu'en fait on peut se dire oui là par exemple il y a des espaliers qui peuvent être réutilisés, mais il faut regarder comment ils sont fixés. Est-ce que c'est compliqué à fixer? C'est pas parce que sur tel collège c'est fixé d'une manière X que sur l'autre collège ça va être la même fixation. Et en fait il y a toute cette partie là de conseils, de bureau d'études. En fait on a créé un bureau d'études en réemploi. Et donc ça permet en fait d'avoir plus d'impact aussi, de multiplier notre impact, parce que sur des opérations comme le collège Truffaut, on avait identifié 400 tonnes de ressources. Tu dis exactement ça, ce mot plus d'impact. Est-ce que c'est parce que en fait, l'opportunité s'est présentée que vous êtes dirigé vers ça? Ou est-ce que c'est de manière très stratégique où vous vous êtes dit, en fait, bah là on le voit, cet hangar, et effectivement c'est quelques dizaines, voire centaines de tonnes, mais à chaque bâtiment qui est déconstruit, c'est des centaines, et voire parfois des milliers de tonnes en plus. Et vous vous êtes dit, en fait, si on veut vraiment se mettre à la hauteur des enjeux, il va falloir se retrousser les manches et aller encore plus fort. C'est stratégique ou c'est... C'est un petit peu des deux. C'est aussi par opportunité. En fait, on s'est rendu compte que peut-être parce qu'on souffrait du syndrome de l'imposteur, on s'est dit, on ne peut pas le faire. Mais en fait, on s'est dit, mais si, en fait, on peut le faire. On est sachant, on sait faire. On a développé de l'expérience et de la compétence. Et on s'est rendu compte que ce qu'on préconisait, c'était juste, c'était pertinent. Et donc, on a continué à le faire et on s'est formé aussi de plus en plus à diagnostiquer les déchets. Et aujourd'hui, en fait, on fait des petits. Il y a d'autres acteurs qui le font, qui se montent. Je pense notamment à Bobir d'Emploi, qui est un expert qui a aussi monté un bureau d'études sur lui. Et en fait, aujourd'hui, il y a des lois, en fait, on est en train de légiférer sur le réemploi dans la construction, et plus ça va, plus l'utopie, elles sont en train de devenir la norme. Mais justement, tu fais la transition parfaite, parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, et on était en train d'échanger un peu, de refaire le lien avant l'épisode, et une personne ici présente, on sentait qu'elle avait besoin qu'on lui vende un peu du rêve, quoi. Qu'on lui dise que ça allait bien, qu'on lui dise qu'on va dans le bon sens. Et moi, un peu naïvement, si vous me posez la question dans quel état d'esprit j'étais il y a 4 ans en arrière, je m'étais dit, bah, ça se trouve, dans 5 ans, le podcast, il aura participé, il continuera à participer à cet engouement et on verra une normalisation, une massification de la compréhension de ces enjeux. De temps en temps, dans les moments un peu durs, j'aurais tendance à me dire que pour l'instant, on ne fait que agrandir notre trou béant qu'on va à un moment ou à un autre devoir combler, qu'on alourdit notre dette écologique, qu'on alourdit nos dissensions, qu'on alourdit nos incompréhensions et toutes les manières dont on s'est détricoté du présent. Et donc en fait, j'ai besoin que vous m'aidiez à réavoir le moral avec vos activités, parce qu'on les voit grandissantes, on les voit florissantes. Vous êtes interconnectés, vous êtes experts, vous êtes valorisés, vous êtes reconnus, vous avez plus d'impact qu'il y a 3 ans en arrière. Dites-moi que les utopies se développent et qu'on va dans le bon sens. Alors oui, on est un peu dans la construction, ça se développe, parce que, comme je le disais, ça légifère. Et puis après, il y a aussi une conjoncture qui fait que, finalement, en tout cas dans notre secteur à nous, on parlait tout à l'heure du bio qui est en train de s'effondrer. Eh bien, aujourd'hui, le réemploi dans la construction est en train de monter. Après, on ne sait toujours pas si c'est un effet de mode, si c'est un effet de bulle. Dans le podcast, je disais qu'il y a 7 ans, quand on a commencé, il y a 8 ans maintenant, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, on nous prend beaucoup moins pour des fous, on est devenu une référence. Néanmoins, nous, notre crainte, c'est maintenant qu'il y a un marché qui se crée. Il y a des entrepreneurs, pas forcément très vertueux, qui s'engouffrent dans ce marché et qui proposent du réemploi pas qualitatif, qui ne portent pas les valeurs de l'ESS comme nous on porte chez Unica, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, avec de la réinsertion, et qu'en fait on arrive à créer de la déception, que ça devient un marché comme finalement le marché de la seconde main, où en fait, Vinted, par exemple, est en train de tuer Emmaüs, par exemple. Tu fais la transition parfaite, parce que en fait, j'ai l'impression que l'industrie textile elle est légèrement en avance si on la compare à l'industrie du VTP, avec justement cette envie de mettre en avant le second main, et je te laisserai rebondir ensuite par rapport à ce que Marie dira. Mais j'ai l'impression que du coup, justement, vous êtes déjà passé par cette case, le capitalisme reprend le modèle de la seconde main, de toutes ces alternatives qui étaient vertueuses. On voit supposément des vêtements made in France, alors qu'en réalité, ils sont que designés en France, et encore, il y a tout un flou qui est organisé là. Donne-moi un espoir aussi, s'il te plaît, Marie, en conscience, hein, effectivement, il y a plein de choses là qui sont difficiles, on parle de Vinted et qui est en train de faire disparaître Emmaüs. Donne-nous ton avis par rapport à tout ça. Déjà, je reviens sur le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Le chiffre ne fait pas 1 milliard et 23 milliards. Donc ça n'a pas du tout dans ton sens. Bonjour. Ça n'a pas du tout dans ton sens, mais si. Il y a des choses qui sont intéressantes qui se passent en ce moment dans le monde du textile. Je pense que vous avez suivi l'actualité, il y a pas mal de boîtes qui ont fermé, Camailleux, Naf, Gap, enfin il y a plein de marques de mode qui sont en train de se casser la figure grandement. Est-ce que c'est mauvais signe? Pas forcément. En fait, c'est là où justement on est dans l'industrie textile en train de vivre en France une mutation profonde. Ces entreprises-là, il y a eu plusieurs problématiques. C'est pas que à cause de la conjoncture, c'est aussi parce que les consommateurs sont en train de changer. Tu disais tout à l'heure, il y a un peu deux voies. Oui, il y a deux voies. Il y a effectivement des consommateurs, notamment ceux qui sont plus jeunes que nous, qui poussent énormément sur des nouveaux modèles de consommation. Mais il y a aussi l'ultra fast fashion qui gagne du terrain. Donc, nous, on n'est pas forcément, enfin, on ne dit pas forcément que c'est un mauvais moment, enfin, en ce moment. Il y a un trou qui est en train de se créer. Parce que ben, toutes ces enseignes du milieu des années 90-2000, Camailleux, Gap, etc., qui sont en train de s'écrouler et qui, pour la plupart, ne vont pas survivre, créent cet appel d'air. Et donc, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place. Et notamment, bah, c'est le cas d'entreprises plus responsables, qui sont plus vertueuses, qui ont envie de mettre en place des nouveaux modes de consommation. Donc, Midressmar en fait partie, mais il y en a plein d'autres. Tu parlais de la seconde main, donc la seconde main, c'est un très bon moyen aussi de limiter sa consommation, si et seulement si on coupe le robinet. Et donc, c'est là où Aujourd'hui, on demande aussi à ce que le robinet soit coupé. Et le robinet, il est coupé en France, ça, depuis très longtemps. On ne produit quasiment plus rien en Méditerranée. Mais par contre, on importe énormément de bâtiments d'Asie, et c'est ce robinet-là qu'il faut couper aujourd'hui. Donc tu dis qu'il y a des alternatives qui sont en place, qui attendent que d'avoir encore plus de place, exactement, à condition qu'on joue sur un marché qui soit enfin juste. Et donc on limiterait cette arrivée massive de tous ces produits de mer, pour le dire très simplement, qui valent rien et qu'on porte trois fois et qu'on jette. Alors c'est pas forcément de la mauvaise qualité, c'est là où, enfin, c'est en grande partie de la mauvaise qualité, et c'est en grande partie du polyester, donc là par contre c'est un impact énorme. Mais il y a un autre exemple d'utopie que je crois que j'en ai parlé aussi dans 2030, mais moi je suis une mauvaise élève, moi j'ai pas écouté ce que j'ai dit à la personne ne l'avait dit, on ne te jugeait pas, hein. Mais l'État a mis en place depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, un fonds de réparation. Donc aujourd'hui, il y a un bonus réparation des vêtements, donc on peut aller faire réparer n'importe quel vêtement chez un retoucheur. Si on a un trou dans un jean, avant ça coûtait 15 euros, c'était le prix du consommateur de payer ces 15 euros. Aujourd'hui, il y a une subvention de l'État, vous payez plus 15 euros, vous payez 7 euros, parce que 7 euros est pris en charge par ce fonds de réparation. Donc l'État est en train de mettre en place des choses. C'est très bien, mais nous on dit, attention, c'est très bien, mais vous êtes en train de mettre des coups d'épée dans l'eau, parce que vous ne coupez pas le robinet. Tant qu'on n'aura pas coupé le robinet, ça ne servira à rien de réparer, alors qu'en même temps, on peut acheter des fringues pas chères qui coûtent moins cher que la réparation. Et si on veut avoir vraiment un impact, si on veut doubler cet impact de la réparation, si on arrête du coup d'importer de façon massive ces produits-là, on aura 4 fois plus d'impact. Et donc la seconde main, c'est exactement la même chose. Est-ce que le fait que tu aies plus pris la parole, ça va exactement, et ensuite je te redonne la parole, Joanne, dans le sens de ce que disait Joanne sur la nécessité d'arriver à bien communiquer sur l'engagement, sur la puissance de ces alternatives, pour ne pas laisser la place au moins 10 ans au greenwasher de s'immiscer dans le marché et de faire comme si? En fait, je pense que ce qui est très important, c'est que il faut absolument que ces acteurs engagés disent qu'ils ne détiennent pas la vérité. On ne détient pas la vérité. On expose des faits. On outille les citoyens à eux-mêmes se faire leur avis. Et c'est là où c'est comme le truc de la canne à pêche. Là. Alors, je me trompe une fois sur deux, mais si on a faim, il ne faut pas apprendre à quelqu'un à pêcher, mais il faut lui apprendre à construire une canne à pêche. Mais c'est exactement la même chose. Nous, on ne dit pas, on ne va pas flécher aux gens de dire il faut acheter ça, il ne faut pas acheter ça, parce qu'ils auraient besoin de nous tout le temps. On va dire, voilà pourquoi nous, on considère que ça, on veut produire, on considère que c'est un produit qui est moins bien. À vous de faire votre propre choix avec ces informations-là. Maintenant, vous savez notre méthodologie de comparaison, et donc à vous de vous en emparer. Et c'est là où je pense que le rôle des entreprises responsables, enfin, ont vraiment ce rôle-là à jouer aujourd'hui, enfin, pour justement éviter que se mette en place dans les prochaines années, des entreprises moins vertueuses sur notamment des nouveaux marchés, etc. En tout cas, les citoyens seront capables de repérer le greenwashing des produits plus vertueux. Les outils. Donc, outiller les citoyens. D'ailleurs, je vous donne des devoirs. Quand vous rentrez chez vous, si vous voulez aller consulter le blog de WeDresser, mon sens, il fait partie des deux blogs qui vraiment, moi, m'ont appris énormément de choses sur l'industrie textile. C'est le travail que vous faites avec WeDresser et le travail qui est fait par Loom, et qui est hyper intéressant, parce que justement, ce sont des entreprises qui disent qu'on ne sait pas tout, mais en l'état, notre décision en rapport à tous ces indicateurs fait qu'on en arrive ici. On doit travailler sur tel et tel sujet, mais on sait que pour l'instant, le mieux ou le moins pire, c'est ça. Peut-être que c'est aussi une porte d'entrée que vous pouvez saisir, si ce n'est pas déjà le cas, de mieux communiquer sur ce que vous faites et d'en capaciter à d'enfuissanter les gens qui travaillent pour vous, pour qu'ils puissent se former et se sentir à l'aise dans les prochaines décisions. Ça t'inspire quelque chose? C'est une voie que vous aviez déjà prise à la journée? Oui, mais c'est quelque chose qu'on a développé depuis 4 ans et depuis le podcast. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a en effet une montée en puissance et une envie et une volonté de politique d'intégrer les matériaux de réemploi et de gérer ces déchets, donc de diminuer les déchets de la construction et du BTP. Sauf que ce qu'on a constaté, c'est que très peu d'acteurs de la construction, très peu de maîtrise d'ouvrage, savaient faire. Et donc, on vient me voir en disant, bah ouais, moi je voulais faire du emploi, mais je sais pas faire. Et donc, on est tout petit. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, on va diffuser nos pratiques. Et donc, on propose maintenant des ateliers de formation pour donner aux acteurs de la construction, aux futurs constructeurs aussi, en intervenant auprès des écoles d'archi, des écoles d'ingé, où en fait, on leur transmet notre savoir pour qu'ils intègrent eux-mêmes des démarches de réemploi à leurs opérations. Et en fait, ça va aider à faire grandir la pratique et à pouvoir travailler de plus en plus ensemble aussi, parce que c'est ça qu'on constate et ce à quoi on est confronté au quotidien quand on arrive aussi en tant qu'association sous statut associatif, bien qu'en fait on est une entreprise, c'est ah bah en fait vous êtes des petits bénévoles, vous savez pas faire, nous on est des acteurs du BTP, rentrez chez vous avec votre camion. Alors qu'en fait, on est des acteurs professionnels. Le statut associatif, c'est juste un statut. Et c'est ça aussi que je défends, en fait. Porter les valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi être professionnel, c'est juste avoir d'autres valeurs, les valeurs humaines et les valeurs sociales au centre du projet. Oui, je suis dénoncée. Pourquoi toi t'es arrivée avec cette question? Qu'est-ce qui fait en ce moment que tu dis je me pose la question de savoir si on va dans le bon sens? Et là tu nous l'as dit un peu comme un secret et j'avoue que j'ai pas été du tout sympa de le livrer comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu te le dis et comment toi de temps en temps tu as besoin d'aide ou tu arrives toi-même à répondre à ce coup de moins bien un peu hein, c'est ça finalement qui revient de temps en temps d'ailleurs. Alors, forcément, comme je m'informe sur le sujet, en fait, je suis obligée d'être à la page, hein, on va dire, pour pouvoir communiquer au plus juste, avoir les dernières études, les dernières informations. Forcément, souvent, la majorité des informations sont plutôt négatives. En tout cas, à mon sens, ne vont pas vers là où on voudrait aller en 2030 glorieuse. Donc c'est vrai que voilà, le fait de lire toutes les semaines des nouvelles études, des articles, etc., voilà, c'est pas toujours très encourageant. Et récemment, la semaine dernière... Tu es en train de dire qu'il faudrait qu'on renomme tout ça 2040 glorieuse, parce que là, on se rapproche un peu trop des chances, c'est ça que tu dis? Ça arrive assez vite. Après, je vais finir par une note positive quand même. J'entendais récemment une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle Interception, une émission France Inter. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent. Et le dernier sujet, c'était sur la France du discount. Donc, les magasins de discount qui se développent énormément, sur le fait qu'il y a des gens dont le loisir, c'est d'aller dans des magasins de discount. Donc, forcément, avec l'inflation, etc., on comprend que les personnes ont besoin aussi d'acheter des produits moins chers, mais effectivement, comme le disait Marie tout à l'heure, ça interroge vraiment sur ces deux tendances de d'une part vouloir consommer mieux, mais d'autre part avoir toujours ces produits de fast fashion, de leur discount, toujours chercher le moins cher, moins cher, moins cher, et ce qui rejoint aussi, enfin, c'est un peu les mêmes mécaniques, on disait tout à l'heure, que la crise des agriculteurs aussi. Donc voilà, il y a ce genre de préoccupation qui m'habite quand même. Là où je garde quand même de l'espoir, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'initiatives hyper vertueuses qui se développent. Bon, alors, Midresswear, Mineka, c'est des initiatives que je connais quasiment depuis la création et ça fait super plaisir de voir que quelques années plus tard, Midresswear, vous êtes devenu un des leaders en France de la mode éthique, même petit mais quand même. Que Mineka, maintenant, vous êtes aussi une référence à Lyon sur le sujet, que vous êtes un peu les pionniers, que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre, peut-être un peu moins bien, mais vous débroussaillez quand même pas mal de choses. Et ces initiatives, on en voit un paquet. Dans le guide qu'on a fait pour consommer responsable, améliorer ses environs, on a référencé près de 700 structures qui agissent sur la métropole de Lyon, que ce soit des épiceries, des restaurants bio, des magasins de vêtements ou des friperies, des services bancaires comme la Nef ou des services sur le volet de l'énergie, du numérique. Enfin, il y a énormément d'initiatives. Donc vraiment, quand on se plonge dedans, c'est assez vertigineux de se dire qu'il y a autant de gens qui agissent au quotidien pour présenter des alternatives plus vertueuses. Je vous annonce déjà la dernière question, comme ça je ne vous prends pas de cours, mais j'aimerais bien que vous me livriez dans votre thématique la victoire que vous aimeriez obtenir en 2024. 2025 max, à l'échelle nationale, internationale ou territoriale. C'est vraiment une victoire qui fait que si jamais on a à nouveau cet échange dans un nouveau podcast en live d'ici quelques temps, on se dira, mais t'imagines, ça s'est réalisé et ça marque un vrai changement positif. Vous pouvez commencer à réfléchir à ce sujet si vous voulez bien. Moi, j'avais quand même une dernière question qui était liée à ce que Johan apportait tout à l'heure sur le fait que, et en fait, ça rebondissait sur ce que toi aussi tu disais, Marie, sur le fait que il y a énormément de personnes qui sont en train de se former à ces enjeux, qui les comprennent mieux, avec de la nuance, qui s'approprient leur position aussi, et du coup, ça prend du temps. Et en plus, ça prend du temps, mais ça se dit pas, ça se voit pas, ça se sent pas, ça se compte pas. Est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi un peu ça, d'une certaine manière, notre problème, c'est que la montée en compétences de millions de personnes, elle se fait de manière un peu diluée, de manière un peu diffuse, à des rythmes qui nous sont très personnels, et surtout à bas bruit. Est-ce que vous, ça, vous le voyez chez Greener Blue dans 7 ans, 8 ans, tu disais, de différence entre les gens qui se pointaient au Greener Festival à l'époque, qui s'appelait Everyday Heroes, si je ne dis pas de bêtises, et maintenant, mais aussi du côté de vos bénévoles, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas des gens qui sont plus sensibles, plus efficaces, plus puissants, qui partent peut-être de moins loin qu'il y a en arrière, que ce soit du coup des visiteurs et des participants à l'assaut? Alors je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, alors, on a plusieurs typologies d'événements. Alors effectivement, les événements estampillés écolo, on va forcément attirer des gens qui sont déjà sensibilisés par la thématique. Mais ce qu'on voit maintenant depuis la création de l'association en 2016, c'est que maintenant, les personnes, bien au-delà, on va dire, des simples gestes du quotidien, ont envie d'agir dans beaucoup plus de dimensions, et notamment dans la dimension professionnelle. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous qui se posent ces questions-là, qui ont envie de mettre leurs compétences au service de la transition écologique et solidaire, ce qui a été mon cas. Et effectivement, les gens qui viennent nous voir, maintenant, pas tous, hein, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup plus cette envie de transformer leur activité, de se reconvertir, et on voit beaucoup de gens, même très jeunes, hein, qui sont à peine diplômés, et qui disent, non, j'ai un diplôme d'ingénieur, ou un diplôme d'école de commerce ou peu importe, mais en fait j'ai pas du tout envie de l'utiliser, mais j'ai envie de directement travailler dans le milieu associatif, travailler dans l'économie sociale et solidaire, et ça c'est un vrai changement que j'ai constaté depuis ces dernières années. Le deuxième point aussi, donc je vous disais qu'on avait ces événements où en fait c'est les gens qui viennent vers nous, mais ce qui a changé chez nous aussi depuis qu'on a créé l'association, et ça m'a fait sourire quand j'ai réécouté le podcast, parce que justement on parlait de aller vers les personnes et aller vers des personnes moins convaincues. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On a, avec la métropole de Lyon et d'autres associations, on avait fait une tournée de 20 dates dans la métropole cet hiver et l'hiver dernier pour aller parler de consommation responsable, d'économie d'énergie, de rénovation énergétique dans des territoires complètement différents, dans des quartiers politiques de la ville et même dans des banlieues, enfin dans des communes de l'Ouest lyonnais beaucoup plus aisées. Donc voilà, on va à la rencontre des personnes et on se rend compte que ces personnes-là, il y en a qui sont sensibilisées, il n'y en a pas du tout, donc c'est un moyen d'aller les toucher. Et la deuxième chose aussi, c'est que, et ça m'a fait sourire aussi en réécoutant le podcast, c'est que cette année, on a été approché par la Foire de Lyon. Donc la Foire de Lyon, ça peut paraître être un événement un petit peu antinomique. Un petit événement intimiste, hein, voilà, la Foire de Lyon. Temple de la surconsommation potentiellement. Cette année, donc la semaine prochaine, on va être en plein cœur de la Foire de Lyon pour parler de consommer moins et mieux. Voilà, donc c'est un challenge pour nous, mais on se dit que quand même, si on est convié à intervenir au cœur, littéralement, au cœur de la Foire de Lyon, sur le plan thématique, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent et qu'on peut aller toucher aussi d'autres publics. Marie, Joanne, la victoire qu'on s'en souhaite pour se dire dans 2-3 ans, waouh, en fait, ça a pas mal bougé. Je pense que j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, la grande victoire serait couper le robinet. La proposition de loi qui va être votée jeudi, c'est un des échelons. Parmi cette dans cette proposition, il y a la mise en place d'un bonus-malus sur les produits d'ultra fast fashion. Nous, on propose, avec en mode climat, d'aller un peu plus loin et de mettre un malus qui peut aller jusqu'à 10 euros par produit sur les produits de fast fashion et de low cost en général. Donc, il y a aussi là-dedans des produits Carrefour, Lidl, etc., qui sont aujourd'hui les plus gros metteurs sur le marché de vêtements. Donc, souvent, on dit H&M, Zara et tout ça, c'est pas les plus gros, c'est pas ceux qui produisent et qui mettent sur le marché le plus de vêtements, c'est les supermarchés qui mettent en plus de vêtements sur le marché en France. Et donc, si cette loi elle passe dans ces conditions-là, effectivement, je pense que je me retournerai en disant « Ah, c'était cool, ça c'était un premier échange. » Et puis après, voilà, après monter en puissance de toutes ces initiatives-là, ce bonus-malus, il y a quand même aussi le côté bonus, et donc à qui on va répartir les éco-contributions qu'on va collecter en plus, bah justement, le fonds de réparation, il y a plein d'autres projets derrière. Enfin, et du coup, je pense qu'on se retournera en 2030 et on regardera. Ok, en 2024, cette loi a été votée. En 6 ans, qu'est-ce qu'on en a fait ? Un vrai moment de rupture. Un vrai moment de rupture, ouais. Dans la même veine, dans le BTP, il y a quelque chose qui est en train de changer le game, c'est la mise en place d'une filière responsabilité élargie du producteur, qui est en fait le principe du pollueur-payeur. Et donc, dans ce cadre-là, on capte des éco-contributions qui vont être ensuite redistribuées pour organiser la reprise gratuite des déchets du BTP, comme quand vous ramenez votre téléphone chez Orange et que c'est gratuit. En fait, c'est un coût tout ça. Et donc, il y a cette filière qui a été mise en place dans la filière du BTP avec des objectifs de réemploi qui restent finalement très minimes par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et nous, ce qu'on se souhaite pour 2024, c'est que les éco-organismes qui ont cet agrément puissent porter vraiment la voie du réemploi et financer les acteurs tels que Munega et tous les acteurs du réemploi dans la construction qui sont vastes. Qui peuvent être des constructeurs, qui peuvent être des marketplaces, qui peuvent être des bureaux d'études, et que ce soit des vrais financements et pas que des micro-financements pour faire un petit événement à droite à gauche. En fait, la filière a besoin de vrais financements pour structurer, pour acheter des camions, pour faire de la collecte, pour faire de la communication numérique digitale, parce que il faut aussi s'outiller avec les outils d'aujourd'hui. Et plus avec trois boutiques seules comme on a pu le faire jusqu'alors. Par exemple, Munega, aujourd'hui, nous on a un objectif de développer notre catalogue en ligne de manière plus effective. Et voilà. Clémentine, je me retourne vers toi avec la même question. Quelque chose que tu te souhaites dans ton secteur pour que d'ici 2-3 ans, tu te dises waouh, là il y a eu cet effet bascule, on ne pourra plus revenir en arrière. Je repensais justement à toutes les structures avec lesquelles on travaille, qu'on a référencées notamment dans notre guide. Et c'est vrai que bah, moi, ce qui m'avait fait un petit peu mal au cœur, notamment fin 2022, c'était l'effondrement du bio, comme on l'a dit, les épiceries zéro déchet qui ont fermé à tour de bras. Et donc, moi, ce qui ferait vraiment plaisir, c'est que parmi les 650 structures restantes, eh ben, elles soient encore toutes présentes, elles se soient encore vraiment développées dans les prochaines années. Eh ben, tu me fais une passe décisive pour que je conclue l'épisode comme j'avais envie de le conclure. Ça fait 4 ans que les 2030 glorieuses ont été auto-décrétées dans mon esprit et je me suis rendu compte à quel point elles ont aujourd'hui été prises, déployées, développées, colorées de manière tellement différente et à chaque fois tellement enthousiasmante par tellement de personnes. C'est vrai qu'un peu naïvement, au moment où je me suis dit bah, parce que les 2030 glorieuses, on va les faire exister, alors on va s'y diriger naturellement. Ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Et à la fois, si je suis très content 4 ans après de vous donner la parole, c'est parce que vous incarnez chacun dans votre secteur la capacité à se hâter lentement. En En général, quand on a envie de changer, ben, on a envie de tout faire maintenant et on se crame, on confond l'urgence et précipitation. Et parfois, on est dans une énergie qui en fait, va faire en sorte qu'il y ait encore plus d'antagonisme, encore plus de violence, encore plus de contradictions, et donc encore plus d'inaction. Alors que vous, je trouve que vous incarnez cette envie de puissance, cette envie d'encapaciter les gens, de les faire monter en compétences. Et j'ai à peu près la certitude qu'on sera capable de se retrouver encore d'ici 3 ans en bon état. Je vous trouve plutôt en bon état, hein, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me donne énormément de fierté, parce que Clémentine, je t'ai affiché, et c'était à dessein, parce que moi aussi, de temps en temps, je me dis, mais à quoi bon? On a tellement de raisons de voir autre chose que les 2030 glorieuses dans un avenir à court ou moyen terme. Et pourtant, quand je regarde sur mon territoire, quand je regarde des gens comme vous sur mon territoire, je sais que les 2030 glorieuses, elles sont déjà là, elles sont déjà portées par des personnes qui sont avec un esprit de coopération, avec un esprit d'entraide, avec tout sauf de l'égoïsme et de l'envie de domination, mais au contraire, de faire monter d'autres en compétences. Et ça me fait du bien dans mes moments un peu doux. Ça, merci beaucoup. On n'a pas tout à fait terminé cet épisode de toute manière parce que je tenais à vous remercier toutes les trois et tous les quatre avec Victor d'avoir participé à ce premier épisode live et il y en aura d'autres. On a déjà une date à Paris le 31 mai à la Ressourcerie, on est en train de caler potentiellement une date à Lille. La question se pose ensuite de savoir si on fera à Nantes ou à Marseille. Marseille apparemment tient la corde avec une date en septembre. Et j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'on révèle toutes ces initiatives que j'avais déjà mises en avant dans le podcast et qu'on montre qu'il y en a plein d'autres qui se hâtent lentement. Merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !